بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى on poursuit avec la biographie du prophète Mohammed عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. Et on est au cours numéro 20. Et comme je vous ai dit, en général, inshallah ta'ala, quand on arrive et quand on termine 10 cours, on garde un cours, au moins un cours pour la révision des 10 cours qu'ils ont précédés. Donc là, aujourd'hui, on va faire le 20e cours, inshallah ta'ala. Et le prochain cours, on va le laisser pour la révision des 10 cours. Donc je vous ferai une révision concernant les 10 cours. J'interrogerai certains, du moins les volontaires qui veulent répondre. Il n'y aura pas de questions pièges, c'est des questions assez simples. D'accord, des questions de base, mais malheureusement, quelquefois, on voit que des questions qui sont élémentaires ou des questions de base, des personnes qui sont dans la religion depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans ne savent pas répondre. Et ça, ça montre le manque d'investissement religieux et quelquefois, malheureusement, le manque d'amour envers le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que, après avoir passé 5 ans de religion, ou 6 ans de religion, ou 7 ans, 8 ans, ou 10 ans de religion, et ne pas savoir quand est né le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça montre une déficience grave dans la religion. D'accord? Et de même, le fait de ne pas connaître les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, ça montre qu'il y a un manquement grave dans la religion. Ne pas connaître le nom des enfants du prophète alayhi salatu wassalam, c'est encore une preuve qu'il y a un manquement grave dans son investissement religieux. D'accord? Et donc, c'est le but et un des buts de l'étude de cette biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est entre guillemets de remettre les pendules à l'heure, d'accord, concernant notre avancée dans la religion. Donc ici, alhamdoulilah, on a repris lentement, doucement, en détaillant, les cours sont enregistrés en plus, et on a commencé depuis la naissance du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à la bataille de Badr. Donc alhamdoulilah, ça nous permet d'avoir une bonne base. Et ce qui nous importe dans la religion, ce n'est pas la quantité, je le répète encore une fois, mais c'est la qualité. D'accord? Avoir d'énormes quantités de science, ce n'est pas ça le principal, bien que ça soit important. Lakin, ce qui nous importe, c'est la qualité. D'aller doucement, mais sûrement. Tu prends ton temps, tu fais un programme régulier, c'est mieux que d'essayer d'aller vite et d'avoir un programme irrégulier. En suivant ce programme, et sans se glorifier qu'on a mis en place dans la mosquée ici, alhamdoulilah, en suivant ce programme, on peut dire que la personne qui suit ses programmes en révisant bien ses cours, ça peut lui donner de bonnes bases quant à son avancée dans la religion et quant à son niveau religieux. Alhamdulillah, on donne des cours de tafsir, on donne des cours sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on donne des cours concernant at-tajwid et l'apprentissage du Coran, et on donne des cours aussi concernant la jurisprudence, et bien sûr quand on étudie l'exégèse du Coran, at-tafsir, on parle de la chose qui a de plus important dans la religion, qui est al-aqida, les dogmes islamiques, et bien sûr ce qui fait partie des dogmes islamiques, at-tawhid. Ala kulli hal, le cours prochain servira de révision. Donc on avait parlé la semaine dernière du combat al-qital, et on avait dit qu'après qu'il y ait eu maintes persécutions à ce moment-là, ici Quraysh, après qu'ils ont persécuté de longues années le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que sahaba, après que les compagnons ont fait la première émigration vers Ardul Habasha en Abyssinie, qui est maintenant l'Éthiopie, après qu'ils ont émigré de la Mecque à Médine, après qu'ils aient patienté à Médine, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de faire ce qu'on appelle al-qital, le combat. Mais ce n'était pas une attaque, d'accord, comme on avait expliqué la semaine dernière qu'il y avait deux types de combats, ou bien deux types de jihad, de combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait le fait de combattre pour se défendre et le fait de combattre en vue d'attaquer, d'accord, sans qu'on soit attaqué, mais en vue d'attaquer pour diverses raisons. Et le premier combat qui a été prescrit, ça a été le combat de défense. Ça nous rappelle que l'islam ne s'est pas propagé par l'épée, et l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais voulu que cet islam, que cette religion se propage par l'épée et par le sang, et que les musulmans ici n'ont fait que se défendre. Après maintes persécutions, Allah Azza wa Jalla a révélé le verset coranique: "Udhina lil-ladhina yuqatiluna bi-annahum dhulimu." Il a été autorisé ou permis le combat à ceux qui ont été bien sûr persécutés, à ceux qui ont été opprimés. Donc le combat a été permis pour eux. Donc ça prouve ici, d'après ce verset coranique, c'était un combat de défense et pas d'attaque. Première des choses. Allah Azza wa Jalla dit: "Wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir alladhina ukhrijoo min diyarihim bighayri haqq illa an yaqulu rabbuna Allah." Ceux qui ont été expulsés de leur maison sans aucune raison, tout simplement parce qu'ils disaient notre Seigneur est Allah. Voilà, Allah Azza wa Jalla rappelle que la raison pour laquelle le combat a été légiféré, ce combat qui est un combat de défense, parce qu'ils ont été opprimés et qu'ils ont été expulsés de leur demeure sans aucune raison, tout simplement parce qu'ils disaient notre Seigneur est Allah, et bien qu'ils aient été persécutés. Donc là, ils ont été persécutés pendant les premières années à Mecca. Et bien qu'ils ont été persécutés et qu'ils étaient pas du tout en tort, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas permis à ce moment-là, pendant qu'ils étaient à Mecca, ce combat-là, le combat de défense. La preuve que ce n'est pas, yani, tout simplement, ou on va dire, ce n'est pas simplement parce que tu es persécuté ou tu es opprimé qu'automatiquement le combat est autorisé et tu as droit de te défendre en utilisant ce terme « Udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu ». D'accord, en utilisant ce verset coranique, en disant c'est bon, moi j'ai été opprimé, j'ai été touché par une injustice, j'ai droit de combattre. Et ça, c'est une réponse erronée. Pourquoi? Parce que bien sûr, ça c'est une raison. C'est une raison pour laquelle Allah leur a permis le combat. Deuxième des choses, la raison, il ne faut pas oublier que c'était qu'ils étaient opprimés. Ils ont été expulsés de leur demeure sans aucune raison valable, tout simplement parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. Et troisième chose, il ne faut pas oublier qu'ils étaient persécutés quand ils étaient à la Mecque. Mais le combat a été prescrit que lorsqu'ils étaient à Médine. Donc, même si les raisons sont réunies, il faut attendre le moment, le meilleur moment pour pouvoir, yani, utiliser, entre guillemets, cet autorisé. Pourquoi? Parce que le musulman, dans toute situation, il contextualise les situations. Dans toute situation. D'accord? À titre d'exemple, même s'il va, un grand savant, je ne sais pas, à titre d'exemple, en Arabie Saoudite, va nous donner un mufti, une fatwa. Une fatwa, vous savez que c'est un, par exemple, un avis juridique qui a été fourni par un savant après avoir fait un effort de réflexion, bien sûr, en puisant sur, yani, dans le Coran et la Sunna, et il a donné cette fatwa, cet avis juridique pour une personne bien précise ou pour un groupe de personnes bien précises dans un moment bien précis et un endroit bien précis. Et certaines personnes font l'erreur de prendre quelques fatwas et ils les enlèvent de leur contexte et ils veulent les faire appliquer à tout le monde. Alors qu'on rappelle qu'une fatwa, à la base, comme disent les savants de Al-Usul, des fondements du droit, rappelle qu'une fatwa, ce n'est pas une fatwa qui doit être dans tous les cas, yani, propagée de façon générale et être appliquée de façon générale. Parce qu'un savant qui est par exemple en Arabie Saoudite et qui va répondre à une question d'ordre, yani, de société. Et on sait que les sociétés ne sont pas les mêmes en Arabie Saoudite par exemple et ici en France. Et lui, il va répondre pour un groupe de personnes qui vit en Arabie Saoudite pour une situation bien précise et toi tu vas prendre cette fatwa-là et tu vas là et tu vas vouloir l'appliquer ici pour un groupe de gens qui est en France. Et souvent ça ne collera pas et ça ne marchera pas. Donc il faut faire attention à ça et il faut bien contextualiser les situations. Et je ne veux pas dire que... Donc on dit, comme certains disent, voilà, iyadu billah. Donc maintenant on est en 2010. Donc maintenant les versets coraniques c'était à l'époque. Ou alors les hadiths c'était pour l'époque, maintenant ça n'est plus applicable au jour d'aujourd'hui. Abadan. Je ne parle pas du Coran et de la Sunna. Je parle de certaines fatwas qui quelquefois, et même souvent, sont bien, yani, dédiées pour une personne ou une situation bien particulière, ou un groupe de personnes, ou un endroit bien précis. D'accord? Donc dans tous les cas, on contextualise, c'est une chose très importante de contextualiser, yani, les situations. Il faut savoir que le musulman, quand il prend un avis juridique, d'accord, il ne le met pas en application en fermant les yeux. D'accord, en général, il y a le fait de peser le pour et le contre. D'accord, le pour et le contre. Même si une chose est autorisée. D'accord. Et on sait qu'en appliquant cette chose, il va avoir plus de mal que de bien. Donc on délaisse cette chose. Et ça, on a vu dans certaines règles qui font partie de fiqh al-da'wah, la jurisprudence concernant l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait cité certaines règles qui font partie de cette science-là, qui est les fondements ou bien la jurisprudence de ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Idha lam yumkin si on ne peut pas, إذا لا يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فلا ننكر كما قال العلماء رحمهم الله. Comme on avait, c'est une des règles, si on ne peut enlever une chose répréhensible que parce qu'il y a de plus répréhensible, ou par une chose qui va amener à quelque chose d'encore plus mal, donc à ce moment-là, on délaisse le fait d'interdire cette chose répréhensible. Parce que ça va amener à quelque chose de plus mal, d'accord, de plus mauvais. Et ce n'est pas ça le but. Al-hadaf, d'accord, ou min al-ahdaf, parmi les objectifs ou l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à quelque chose de positif, pas de négatif. Le résultat doit être une chose positive et pas une chose négative. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on réunit les conditions, yani on dit on est opprimé, etc., que ça est le combat est lâché. Etc. Non, abadan. Le prophète, il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de combattre à un moment bien précis. Quand ils étaient à Médine, quand ils ont pu yani, bâtir cette mini-société musulmane, quand il a établi l'ukhuwa, la fraternité entre les musulmans, c'était des gens qui avaient fait les deux bay'ah. Il y avait parmi eux, il y en a même des gens de Médine qui avaient fait la deuxième bay'a al-Aqaba. C'était des gens qui s'étaient engagés, ils avaient fait leurs preuves, ils avaient délaissé leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, ils avaient émigré de Mecca à Médine. C'était des gens solides, des gens qui s'aimaient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui avaient écrasé et qui avaient dressé l'âme, cette âme qui est instigatrice au mal. Ils avaient combattu leur maladie et jusqu'à un point où ils ont fondé cette société sur la vraie, sur le vrai amour et la vraie fraternité. Le vrai amour et la vraie fraternité. Avec des gens comme ça, costauds. Et des gens qui, alhamdoulilah, ont la foi en Allah et en son messager. Qui sont convaincus. Convaincus que le messager est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. Qu'il ne parle que par révélation concernant la législation islamique. Qui sont prêts à sacrifier tout pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Qui ont cet amour sincère entre eux, avec ces gens-là, même s'ils sont en petite quantité, car ce qui nous importe, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Même si c'est en petite quantité, là tu peux faire quelque chose de solide. À ce moment-là, quand il y a un groupe solide, quand les causes ont été mises en place comme il fallait par le prophète alayhi salatu wassalam, Allah leur permet à ce moment-là de se défendre. Donc maintenant, ça c'est une réponse à ceux qui s'excitent rapidement. Ils sont yani, pris par yani, ce qu'on appelle le Hamas, le courage. Et dès qu'il y a yani, une petite épreuve, il flanche et il s'énerve. Dans n'importe quelle situation, à petite ou grande échelle. Il suffit qu'il rentre en conflit avec une personne, ou je ne sais qui encore, et il s'emporte. Une petite épreuve, je dis à petite ou grande échelle. Je ne parle pas du combat ici de façon générale, tu es opprimé, tu dois attaquer. Non, on est loin de ça. Non. Et même pas au niveau encore de combattre notre nefs ici pour faire Qiyam al-Layl, et je parle pour moi le premier. Tu vas combattre qui toi encore? Toi tu vas combattre qui? Tu n'arrives pas à combattre tes propres passions qui t'empêche d'adorer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et te rapprocher de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Moi je parle simplement des petites épreuves. Il suffit quelquefois qu'on soit confronté à une petite épreuve ou un conflit avec un frère ou je ne sais qui encore, et voilà qu'on s'emporte. Et ça, ça fait partie des critères de l'hypocrite. C'est grave. Donc ça nous rappelle qu'on a un long chemin à faire. On a un long chemin à faire, et avant de s'occuper des gens, Wallahi l'adim, je parle pour moi le premier, vaut mieux s'occuper de soi-même. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fort de d'autres au jour de la résurrection. Bien sûr, on doit s'occuper des gens. On doit être la cause de la guider des gens, car c'est Allah Azza wa Jal qui guide. Lakin, occupe-toi de toi déjà. Occupe-toi de toi déjà. Allah Azza wa Jal les rappelle. Il rappelle l'égarement de Banu Israël quand on a parlé de cela dans l'explication de Surat al-Fatiha. Fatiha tout le kitab, quand Allah Azza wa Jalla dit Amuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien, vous oubliez votre propre personne alors que vous lisez le livre? Est-ce que vous réfléchissez? Ça c'est les critères de Banu Israël. Et ceci, ce verset est général pour toute personne qui rentre dans ce contexte-là. Il ordonne le bien, il interdit le mal et il s'oublie lui-même, wal'iyadu billah. À nous de corriger nos propres défauts. Il rentre en conflit avec une personne. Et voilà, وَإِذَا خَسَمَ فَجَرْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Quand il rentre en conflit, quand il se dispute, il perd, si on veut, toute pudeur dans son langage. Car la pudeur aussi, on la retrouve dans le langage. Il insulte, il s'énerve, il ne se contrôle plus. Et ça c'est parmi les critères des hypocrites, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et Allah parle des hypocrites, je ne dis pas ça fait de toi un hypocrite. ولكن c'est parmi les critères de l'hypocrite. وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ أو إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc ça nous rappelle que quoi? On a beaucoup à faire concernant l'éducation de notre âme. D'accord? Donc ici, il y a des moments où même si on est en position de raison, on est opprimé, on est agressé. D'accord? À petite ou grande échelle, hein? Que ce soit toi envers un frère ou un groupe de personnes ou un pays ou je ne sais quoi encore. À la kulli hal, la première des choses qui est demandée, et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est que tu patientes. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des épreuves car il veut qu'Allah azza wa jalla veut qu'on patiente. Allah azza wa jalla veut qu'on patiente. Ce n'est pas parce qu'on a une épreuve et qu'on est dans la vérité que ça y est, obligé, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala va venir tout de suite et que toi tu es en raison de t'énerver. Abadan. Allah azza wa jalla dit un verset connu et qu'on répète mais qui doit être médité jour et nuit. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser dire je crois sans vous éprouver? Certes, on vous a éprouvé, on va vous éprouver comme on a éprouvé ceux qui étaient avant vous, afin qu'Allah, mais Allah sait ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera, afin qu'Allah Azza wa Jalla sait, connaisse les véridiques des menteurs. Pour montrer la parfaite justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, Allah te fera montrer les erreurs qui ont fait de toi un menteur. Ou te fera montrer la patience que tu as eue lors des épreuves qui ont fait de toi un véridique. Et pour te rappeler à toi que tu es un menteur. Ou à toi que tu es un véridique. Quand tu patientes, alhamdulillah, c'est un signe que tu es véridique. Et quand tu flanches, sache que c'est un signe que tu es peut-être un menteur. Sache que c'est un signe que tu es peut-être un menteur. Allah veut qu'on patiente. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit on va certes vous éprouver par un peu de quoi? Il commence par quoi? Al-khawf. Al-khawf c'est quoi? La peur. Allah Azza wa Jalla commence par quoi? La peur. Et regardez ce qui va arriver ou ce qui est arrivé aux compagnons comme on va le voir. Par la peur. Min al-khawf, wal-jou', la faim. Wa naqasi min al-amwal, et la diminution de biens. Wal-anfusi wal-thamarat, de personnes et de subsistance. Wa bashiri sabirin, annonce la bonne nouvelle aux patients. Donc si Allah dit annonce la bonne nouvelle aux patients, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle qu'il y a une grande récompense pour les patients. Donc cela prouve encore qu'Allah Azza wa Jalla veut que le croyant patiente face aux épreuves. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui quand il leur arrive une épreuve, ils disent quoi? Nous sommes à Allah et Allah nous retournerons. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Ceux-là auront quoi? صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. La prière de leur Seigneur. Ainsi que quoi? الرَّحْمَةُ, la miséricorde. La miséricorde. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ce sont ceux-là les bien guidés. إن الله يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يدي dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal donne aux patients une récompense sans compter. Ça suffit pour comprendre que celui qui patiente est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Et soyez assidus, constants quant à la prière et la patience. Allah est avec qui? Allah est avec les patients. إن الله مع الصابرين. La preuve que quoi? On se doit de patienter. Et pas tout de suite utiliser ce courage, quelquefois qui est un courage aveugle, et s'énerver, et se retourner aux gens de science qui sont les sages. Al-Fukama, les gens sages. Donc ici, ils ont patienté, comme on avait vu la semaine dernière. Et on a rappelé aussi que l'islam, alhamdoulilah, a permis aux juifs. Et on rappelle que les musulmans ont toujours été justes. Les musulmans étaient justes. Et les musulmans n'ont jamais voulu opprimer personne. Quand ils sont arrivés à Médine, ils ont permis aux juifs de pratiquer leur religion. Ils ne leur ont pas imposé la religion. Il n'y a aucun texte qui montre que les musulmans, quand ils sont arrivés à Médine, ils ont dit, bon maintenant les juifs, ou vous appliquez notre religion, ou on vous tue, on vous déclare la guerre. Abadan. Ils leur ont laissé le choix dans la pratique de leur religion. Ils ont signé des pactes avec eux. Parmi ces pactes-là, ils leur ont permis aussi d'utiliser leur commerce ou n'importe quelle solution pour avoir des gains, etc. Ils leur ont permis aussi de vivre en harmonie, de pratiquer leur religion, mais ils leur ont mis aussi comme condition, parmi les conditions par exemple, il y avait le fait que si Médine était attaquée, ils devaient répondre à cette attaque avec les musulmans. C'était une des conditions. Si on est attaqué, vous attaquez avec nous, c'est-à-dire vous défendez Médine ensemble. Pour renforcer cette ville. pour renforcer cette ville qui était Médine. Car ils avaient besoin de cette base-là pour former et continuer à former des hommes qui allaient propager la religion dans le monde entier. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un prophète messager, un homme sage mais aussi un chef de guerre. Donc là, ils ont signé certains pactes avec eux et on verra que quand les juifs ont été chassés de Médine, c'est qu'à partir du moment où ils ont rompu les pactes ou certaines conditions concernant les pactes qui avaient été conclus avec les juifs. Mais au début, il n'y avait pas de problème. Les musulmans peuvent vivre avec des juifs, avec des chrétiens. Ils leur ont permis, ils pouvaient pratiquer leur religion. Il n'y avait aucun problème. D'accord ? Et ici, donc on avait rappelé qu'il y avait eu plusieurs expéditions. Donc c'était en vue de quoi ? Ce n'était pas en vue d'attaquer. Mais c'était en vue d'attaquer ou entre guillemets, de paralyser si on veut, certaines caravanes qui partaient par exemple de Syrie, du Chem, etc. vers la Mecque et qui appartenaient au Quraysh. D'accord ? Ils transportaient des vivres, ils transportaient des choses qui servaient au commerce. Et le but ici c'était quoi ? C'était de mettre en place certaines expéditions pour pouvoir capter ces caravanes et récupérer les biens pour donner un coup quant à l'économie des Mécois, ici, des Quraysh, associateurs à la Mecque. Et donc ils l'ont fait. Donc ils ont attaqué l'économie. Et en plus de ça, ce n'était pas une injustice car un, ils se défendaient et deux, ils récupéraient en quelque sorte leurs biens qui avaient été pris injustement quand ils étaient à la Mecque. Et un jour, voilà le déclenchement de la grande bataille de Badr. La grande bataille de Badr qui s'est passée en l'an 2 de l'Hégire. Cette bataille s'est passée en l'an 2 de l'Hégire. Cette cause qui a fait que cette bataille a été déclenchée, c'est quoi ? Il y avait Abu Soufyan qui était accompagné d'une trentaine d'hommes. Donc il avait avec lui une caravane et il allait en direction de la Mecque. Il transportait les richesses des Mécois. Ils disent à peu près il quittait Chem plutôt, il transportait des richesses des Mécois. Il quittait la Mecque en direction de Chem. D'accord ? Donc Abu Soufyan, trentaine d'hommes à peu près, il prenait les richesses des Mécois, il se dirigeait vers Chem. Rapporté par, jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ce qui nous prouve ce récit-là aussi, parmi les preuves, il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, voici la caravane de Quraysh qui transporte leurs richesses, allez vers elle et Allah vous aidera à la capturer. Donc le prophète alayhi salam a informé les compagnons qui avaient cette caravane et qu'il fallait aller à la rencontre de cette caravane pour capturer cette caravane et reprendre et prendre les richesses. Donc comme il le faisait habituellement lors de ses expéditions, il voulait toucher l'économie des Quraysh et récupérer les biens. Et donc il y a le prophète lui-même alayhi salatu wassalam qui est sorti. Et certains, à la kulli hal, ont dit à peu près. Parce que certains disent 317, d'autres disent 310, et d'autres disent 300, à la kulli hal. À peu près 300 hommes. On va dire, la plupart disent 317 hommes. Mouhim 300, 310, 317 hommes. Qui étaient parmi les musulmans de Médine. Il y avait dedans Al-Ansar, d'accord ? Donc ceux qui ont accueilli les Muhajiroun. Et il y avait les Muhajiroun aussi, d'accord ? Les émigrés. Certains disent qu'il y avait 100 émigrés. Et le reste, c'était des Ansar. Et il faut savoir que les Ansar, quand ils ont cité, ou plutôt quand ils ont fait le deuxième pacte d'allégeance à Al-Aqaba, ils se sont engagés à protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Et certains historiens racontent qu'ils s'étaient engagés à protéger le prophète alayhi salatu wassalam à l'intérieur de Médine, pas à l'extérieur de Médine. C'est pour ça que dans beaucoup, et certains disent dans toutes les expéditions, avant cette expédition-là, il y avait très peu d'Ansar qui avaient participé à ces expéditions-là. Très peu. La plupart, c'était Al-Muhajiroun, les émigrés qui participaient à ces expéditions à Afwan. D'accord ? Là, certains historiens disent qu'ils étaient 100 Muhajiroun et le reste des Ansar. Donc, ils étaient à peu près 317. Ils ont été à l'encontre de cette caravane, donc ils voulaient attraper cette caravane-là. Je rappelle ici qu'ils n'étaient pas partis pour la guerre. Ils n'étaient pas partis pour la guerre. Parce que quand on part pour une guerre, on se prépare. On prépare les armes, on prépare les vivres, on se prépare à l'attaque, au niveau stratégique, etc. Ils n'étaient pas préparés à la guerre. D'accord ? La preuve que c'était simplement le but de quoi ? De toucher l'économie. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que si c'était pour une guerre, il serait sorti, yani c'était vraiment pour déclarer la guerre à cette caravane, les tuer, etc. Il serait sorti à 300 et quelques hommes contre 20 ou 30 hommes. Non, c'était simplement le fait yani de capturer la caravane, de saisir l'argent et de rentrer avec cet argent-là et ces biens-là. D'accord ? Et ils n'étaient pas préparés, donc a fortiori, ils n'étaient pas préparés pour une grande guerre. Ça a été une chose imprévue. Donc ils sont sortis 317 hommes. Avec eux, le prophète Mohammed, c'est ce qu'on appelle une razwa, comme on avait expliqué la semaine dernière. Quand le prophète sort avec eux, c'est une razwa. Donc ils sont partis vers l'endroit qui s'appelle Badr. C'est où Badr ? Ça a combien de kilomètres de la Mecque ? Ça a combien de kilomètres de Médine ? 600 de où ? De Paris. D'où ? 600 kilomètres. C'est à 150 kilomètres de Mecca, de Médine, afouan. 150 kilomètres de Médine, Badr. Donc ils sont sortis vers cet endroit qui s'appelle Badr. Voilà pourquoi on dit Razwatu Badr, l'expédition de Badr. Ils sont sortis vers cet endroit-là. Donc ils avaient quoi avec eux ? Ils avaient 2 chevaux. Ils avaient 70 chameaux, 2 chevaux. 70 chameaux. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même partageait donc un chameau avec 2 de ses compagnons. Dans un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, il rapporte, il dit, le jour de Badr, nous étions 3 personnes à se partager un chameau. Et il dit, et Abu Lubada et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma partageaient le même chameau avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ils étaient 3 à partager le même chameau. Abu Lubada, et il y avait Ali ibn Abi Talib, et il y avait le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque le tour du prophète alayhi salatu wassalam est venu, d'accord, dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, est venu pour monter sur le chameau, d'accord, donc qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ou plutôt afin de descendre du chameau, ils ont dit au prophète, non, reste, ça fait normal. Donc Ali ibn Abi Talib et Abu Lubada, ils ont dit, non, reste sur le chameau, t'as pas besoin de marcher. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, je suis aussi capable de vous, ou que vous, de marcher. J'ai autant les capacités, si ce n'est plus que vous, yani, de marcher. Ça, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, la meilleure créature sur la surface de la terre qui enseigne à l'ensemble des êtres humains et l'ensemble des djinns ce que c'est que at-tawadu', la modestie. Il dit, moi, je peux marcher comme vous, vous marchez. Ensuite, il dit quoi ? Et je suis, avec une traduction approximative, j'ai besoin ou je suis en quête de récompense autant que vous. 2 choses qu'il a dit le prophète alayhi salam dans ce hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Il dit, moi, je sais marcher comme vous, vous marchez. Et moi, j'ai besoin de la récompense comme vous, vous avez besoin de la récompense. Pour nous rappeler que quoi ? Qu'on a tous besoin. Qu'on a tous besoin, yani, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des œuvres surérogatoires. Avec des actions. Et on n'est jamais comblé de bonnes actions. On n'est jamais rassasié de bonnes actions. Et personne d'entre nous peut dire, moi j'ai fait assez de bonnes actions. J'ai fait 20 hajj, j'ai fait 20 umrah, j'ai jeûné pendant un an, le lundi et le jeudi, j'ai donné 10 000 euros ou 100 000 euros fisabilah, ça me suffit. Abadan, le prophète alayhi salatu wassalam, ses péchés passés, présents et futurs lui ont été pardonnés. Avec ça, il dit quoi ? Moi je peux marcher comme vous et moi j'ai autant besoin que vous de récompense. Ça nous rappelle qu'on ne sera jamais, jamais, jamais, ou plutôt on n'aura jamais assez fait pour notre Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Abu Sufyan a appris qu'il venait vers sa direction. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc Abu Sufyan avec la caravane, il part de la Mecque vers Hachem et il a appris qu'il se dirigeait, le prophète alayhi salatu wassalam, avec une expédition vers lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Abu Sufyan, il a changé de direction et il est reparti vers la Mecque. Il est reparti vers la Mecque. Et là, à ce moment-là, quand il est arrivé à la Mecque, il changea de chemin et il envoie une personne, certains disent Zamzam, qui s'appelait Zamzam. D'autres disent Zumzum. Une personne qui avait ce nom-là. Et il envoie cette personne à la Mecque pour appeler les Mécois au secours. Donc cette personne-là commença à crier et à s'écrier, d'après certains récits prophétiques authentiques, au secours, venez ici au secours le plus rapidement possible, yani, à votre caravane, à vos biens. Car ils sont prêts à s'emparer de vos biens. Et ici, les Mécois, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et parmi eux, Abu Jahl. Ils ont décidé de vouloir attaquer le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils se sont dit, c'est l'occasion. Ils ont cherché une occasion. Pourquoi ? Parce que certains historiens disent que les Arabes étaient très fiers. Et pourquoi ils n'ont pas attaqué avant? Ils auraient pu yani, déclarer la guerre, yani, aller attaquer directement Médine, mais ils étaient très fiers. Et yani, ils savaient très bien que les autres Arabes, ou entre eux, ou les autres tribus, faisaient, ou plutôt analysaient toutes les réactions que pouvait avoir chaque tribu. Donc chaque tribu yani, se surveillait l'une envers l'autre, si on veut. Yani, une tribu surveillait l'autre, yani, les réactions, comment elle réagissait, pourquoi elle attaquait, pourquoi elle déclarait la guerre, pourquoi elle défendait telle personne, etc. Ils se sont dit, il nous faut une cause. Là, c'était la cause. Ils se sont dit, c'est bon, là, on a une raison. Donc là, on va attaquer. Et d'autres personnes rapportent. Et donc, il y a des personnes qui ont dit, yani, nous, on préfère délaisser. On préfère délaisser cette attaque. Pourquoi ? Khlas, ça y est, la caravane a été protégée, donc il n'y a pas de raison de les attaquer. Et donc, ici, il y a des personnes qui étaient d'accord. Après que même Abu Sufyan a proposé cette proposition en disant, bon, c'est bon, khlas, nous maintenant, on a protégé la caravane, ça ne sert à rien de les attaquer, le principal est là. Et il y en a plein qui étaient convaincus de cet avis, sauf Abu Jahl. Il a dit, il n'y a rien à faire. On va prendre des chameaux, on va prendre des armes, on va prendre des chanteuses, et ils vont chanter. Et on va aller à Badr, et on va rester pendant 3 jours, comme il le relatait dans un récit prophétique jugé bon, et on va rester 3 jours à Badr, on va égorger des chameaux, et on va manger, et on va écouter les femmes et les chanteuses chanter, et on va boire de l'alcool, pour montrer à tous les Arabes que ça y est, on est prêt à la guerre, pour montrer qu'on est là, pour faire acte de présence. Donc regardez l'avis de Abu Jahl. Donc il a dit, rien à faire, on va faire ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abu Jahl? Et les Quraysh, donc à la Mecque, ils ont dit, on va préparer une grosse armée. Ils sont partis de la Mecque avec plus de 1000 hommes. Ils étaient 1000 hommes. Ils rapportaient qu'ils étaient à peu près 1000 hommes. Ils avaient combien de chameaux, on avait dit? Yani, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand ils ont quitté yani, Médine, 70. Eux, ils avaient 700 chameaux. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené encore? Des chevaux. On avait dit qu'ils avaient combien de chevaux? 2 chevaux. Ils avaient 700 chameaux. Et à fois 100 chevaux. D'accord? 100 chevaux et 700 chameaux. Donc les autres avaient 2 chevaux. Eux, ils avaient 100 chevaux. Les autres avaient 70 chameaux. Eux, ils avaient 700 chameaux. Les autres étaient 317, 319, à la Koulihal à peu près. Eux, ils étaient 1000 hommes. Donc on voit le rapport de force. Ça, c'est clair et net. De plus, on sait que eux, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à la guerre. Donc ils partaient déjà préparés psychologiquement. Quand on est préparé psychologiquement, ça n'a rien à voir quand on est pris ici, qu'on est pris à l'imprévu. D'accord ? Yani, quand on est pris yani, par surprise, entre guillemets. Donc eux, ils étaient préparés. Et c'était des gens réputés pour être des guerriers. Ils étaient préparés à la guerre. Ils étaient habitués à la guerre. Ils étaient habitués à la guerre. Contrairement à beaucoup de gens qui faisaient partie des rangs du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? Donc quand ils sont sortis, avec toute cette artillerie, ces armes, ces chameaux, ces chevaux et ces chanteuses. Et il est rapporté qu'ils tapaient du tambourin. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette situation dans le Coran al-Karim. Et il a mis en garde, vous vous rappelez bien, dans les règles de tafsir, on a dit quand un verset coranique, comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, un verset coranique descend sur un groupe de personnes, sur une situation bien précise, c'est avant tout, ça concerne avant tout cette personne ou ce groupe bien précis ou cette époque, etc. Mais c'est aussi, après, ça concerne l'ensemble des gens, d'accord, qui est encadré par ce verset coranique. C'est clair, sauf s'il y a une preuve du contraire, une preuve qui montre que ça c'est spécifique à ce groupe de personnes, à ces gens ou à cette époque. C'est clair. Ça, Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre ce comportement. Et écoutez bien ce comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'eux, il dit « Wa la takounu » Interdiction, ne soyez pas. « Wa la takounu kalladhina kharajou min diyarihim » Bataran wa ri'a nas wa yasudduna an sabili Allah » وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Ne soyez pas, qu'une traduction approximative, comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité. Ne soyez pas comme cela. Ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité. Avec quoi? Comment ils sont sortis? Pour repousser la vérité, mais comment? ورياء الناس avec ostentation, الرياء, avec ostentation. Pourquoi? On a bien dit qu'ils étaient sortis avec quoi? Avec beaucoup de chameaux, beaucoup de chevaux, avec des femmes, avec des chanteuses qui frappaient du tambourin, avec de l'alcool. Yani de façon quoi? Orgueilleuse. Avec ostentation, rien, pour se montrer. C'était en vue de se montrer devant les autres tribus en disant, regardez, nous on est une grosse armée, une forte armée, et regardez, entre guillemets, la volée qu'on va leur infliger. Regardez ce qu'on va leur faire. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Ne soyez pas comme ceux-là qui sont sortis de chez eux pour... Pourquoi? Pour arrêter, pour obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour repousser la vérité, avec ostentation, publique, obstruant as-sad an sabilillah, le fait d'obstruer le sentier d'Allah azza wa jalla. Allah, il parle beaucoup et souvent dans le Coran al-Karim de ceux qui obstruent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une interdiction d'être parmi les gens qui obstruent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazina yasudduna an sabilillah. Et Allah azza wa jalla dit, et Allah cerne certes ce qu'ils font. Allah cerne certes ce qu'ils font. Et ça, c'est un message à tous ceux qui croient, ceux qui sortent de chez eux, à plus petite échelle, même parmi les rangs des musulmans, qui sortent de chez eux. Quand ils sortent de chez eux, c'est quoi la première intention qu'ils ont? On va casser, on va détruire ceux qui travaillent dans le fi sabilillah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils détruisent plus qu'ils construisent. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils savent rien construire. Et pour se montrer, parce qu'en général, c'est des gens complexés, même dans les rangs des musulmans, malheureusement, c'est des gens complexés, ils se disent, c'est la seule solution ou le seul moyen par lequel on peut se faire montrer. Wari'a an-nas. Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَا an-nas. C'est le seul moyen par lequel on peut se montrer. Wallahi al-Azim, wa Rabbi al-Ka'ba. Par expérience, il y a beaucoup de gens et des jeunes dans les rangs des musulmans qui sortent de chez eux avec cette intention-là et avec ces mauvais critères. Wal-iyadhu billah. Qui sortent de chez eux par ostentation. Ils veulent se montrer devant les gens et ils font quoi? Et ils cassent ad-da'watu ilallahi azza wa jal, qui eux-mêmes n'arrivent pas à faire. Et au nom de quoi? Au nom de l'haq, au nom de la vérité. Bismillah, au nom d'Allah. Bismil islam, au nom de l'islam. Bismil sunnah, au nom de la sunnah wal-iyadhu billah. Allah azza wa jal, il t'interdit à Abdallah de détruire, d'obstruer le sentier d'Allah azza wa jal. Si toi tu ne sais pas travailler, si toi tu ne sais pas construire, laisse les gens qui travaillent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et n'obstrue pas ce sentier-là, wal'iyadu billah, par crainte d'être encadré par ce verset coranique. وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Et dit, la vérité est venue et le faux s'en est allé. La vérité, ou plutôt le faux, est voué à disparaître. Et tu verras très bien que ceux qui font cela, le résultat c'est quoi? Al-hadaf c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est de détruire. Le résultat, ça sera quoi? An-natija, ça sera quoi? Ça sera que quoi? Que perdition. Ça sera que quoi? Que vent. Rien de concret. Pourquoi? Allah, il dit, le faux est voué à disparaître. Et moi, je vous mets en garde contre ceux qui passent leur journée et fondent leur religion. Sur quoi? Leur principe religion. Sur quoi? Obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passer leur journée à mettre en garde contre telle personne, et je ne sais qui encore, sous prétexte que c'est ça la voie de la vérité. Na'am, je le dis clairement, on met en garde contre les innovateurs. Et quand un savant doit citer le nom, il cite le nom. Quand un innovateur appelle à l'innovation, et après qu'on l'ait exhorté, et qu'il continue à appeler à l'innovation, on met en garde. Lakin avec sagesse, comme il dit Ibn Baz, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, comme il dit Cheikh Rashhi, comme disent les savants contemporains, Rahimahumullah, wa Hafidhahumullah, parmi les vivants. Ou ceux qui sont encore vivants, avec douceur, avec bonne sagesse, avec bonne exhortation, et on laisse ça aux savants. Avant tout, c'est d'abord les savants. Bien sûr, nous, on a cette responsabilité aussi de mettre en garde clair, mais on ne fonde pas notre religion, toute notre religion, sur le fait de mettre en garde. Quand tu parles de l'ondon, tu mets en garde. Quand tu parles des ablutions, tu mets en garde. Quand tu parles de la prière, tu mets en garde. Quand, n'importe quel cours, n'importe quel sermon, on n'entend que at-tahdhir, mise en garde, égaré, mubtadi'. Bien sûr qu'on est avec les mises en garde. Le fait de condamner les innovations, de mettre en garde contre les innovations, de suivre la sunna, de suivre les salafs, les ancêtres pieux, ça c'est notre minhaj. Lakin, pas à l'excès comme certains le font. Le type, il vient d'une cité, ça fait 4 mois, comme je le dis souvent et je le répéterai toujours, qu'il vient d'entrer dans la religion. Il ne sait même pas faire la distinction entre une eau pure et une eau impure, et il passe sa journée à mettre en garde contre des chouïrs ou des machaïrs qui sont morts, rahimahumullah ta'ala. Subhanallah. Même si des savants ont mis en garde, ça ikhlas, passe à autre chose toi, va t'occuper de ton épouse. Que tu n'arrives même pas à convaincre, peut-être, que ce djilbab qu'elle porte, ou ce sitar qu'elle porte, elle doit le porter sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la pauvre, peut-être elle ne connaît même pas, elle ne connaît même pas les preuves qui montrent l'obligation de porter sitar ou bien le djilbab. Et toi, tu vas t'occuper des gens, alors qu'Allah dit anfusakum wa ahlikum naran, préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. Et moi, ce qui m'étonne aussi, c'est les gens qui gravitent autour de ces égarés. Les gens qui gravitent autour de ces égarés, quand ils les voient, le grand sourire, l'amour en Allah, masha'Allah, mon frère, je t'aime, et ils rigolent. C'est quoi ce comportement? Il est où? Ou elle est où? Al-mahabba fillah. Al-bourd fillah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, celui qui aime en Allah, déteste en Allah, mana'a lillah, wa a'ta lillah, faqad istakmala al-iman, et qui retient pour Allah et donne pour Allah a certes complété sa foi. Nous on ne consomme pas cet égarement. Vous connaissez le proverbe salam bla kalam? Hein? Vous connaissez ce proverbe salam bla kalam? Vous connaissez ou pas? Personne ne connaît. Non? C'est quoi salam bla kalam? Salam, Allah y'aune mon frère, trace ta route. Chacun sa route. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Moi je ne consomme pas ton égarement, ya akhi al-karim. Ça c'est le fait d'aimer cette religion, d'aimer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de défendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas oh moi chacun fait ce qu'il veut, rester faible. Al-mu'min al-qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est plus aimé, préféré auprès d'Allah que le croyant faible. Et le prophète dit dans les deux il y a un bien. Alhamdulillah, le juste milieu, al-wasat. Le juste milieu, dans les deux il y a un bien. Mais je ne cautionne pas. Moi smahli ya akhi al-karim. Moi je vous le dis franchement. Moi une personne qui passe son temps à dénigrer, à mettre en garde gratuitement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en garde. On met en garde, c'est clair. Et je ne dis pas qu'on ne suit pas le minhaj de salaf. On suit le minhaj des salaf, des ancêtres pieux. Mais qui condamne toute personne qui ne s'appelle pas salafi, qui le condamne en disant c'est un mubtadi', un innovateur, ou qui met en garde contre des mashayikh, ou qui casse la da'wa de façon directe ou indirecte, wal'iyadu billah, smah liya, ya akhi al-karim. Ta responsabilité amam Allah, c'est de passer le salam à cette personne et de témoigner de cette personne. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil kama qala ali sallatu wasallam. La personne est sur la religion de celui qui prend comme ami intime. Que chacun d'entre vous fasse bien attention qu'il prend pour ami intime. C'est qui le dit? Le prophète ali sallatu wasallam. Que chacun d'entre vous, donc ta fréquentation fait partie de tes principes religieux, ya Abdallah. Ça fait partie de ta religion. C'est pas tu côtoies n'importe. On voit pas de différence entre une personne qui est sur le bon minhaj et ton comportement avec une personne qui n'est pas sur le bon minhaj. Na'am, on doit donner le droit qu'a notre frère sur nous. Ça, c'est un ordre. C'est quoi? Passer le salam. Même si une personne est égarée, musulman dit là, il est là, je lui passe le salam, ya akhi al-karim. Je lui passe le salam. S'il est malade, je dois le visiter, je le visite. Je le visite, c'est normal. C'est quoi les droits du musulman sur nous? C'est répondre à son salam, na'am. C'est le visiter quand il est malade. Quand il a besoin de toi, il vient te voir et te demande de l'aide, tu lui donnes de l'aide. Pour aller rigoler avec lui, s'amuser avec lui. Et toi, tu sais très bien que cette personne obstrue le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et tu délaisses des frères qui, au contraire, eux sont dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il faut, dans le bon minhaj, et qui transmettent et qui construisent. Ceux-là, tu les délaisses. Et tu as un plus mauvais comportement avec eux qu'avec les autres. Ça, c'est un égarement dans ton minhaj, ya akhi al-karim. Et c'est un égarement dans ton comportement. Et ça, c'est important à souligner. Nous, on n'est pas là pour mettre les gens en enfer, ou pour rendre mécréants les gens, ou pour rendre les gens pervers, ou pour dire qu'une simple personne qui n'applique pas une sunna c'est un innovateur, abadan, ou pour dire qu'une personne qui ne se dit pas salafi c'est un égaré, les voies en enfer, abadan, ou pour dénigrer les gens jour et nuit, ou pour... On n'est pas là pour ça. Nous d'abord on est là pour s'occuper de nous-mêmes. As-salaf, comment ils étaient? Ils étaient durs envers eux-mêmes et doux envers les gens. Mais quand il fallait être dur pour la vérité, ils étaient durs. Mais ils étaient plus durs envers eux-mêmes qu'envers les gens. Tandis que maintenant on voit les gens, ils sont très souples envers eux-mêmes. Tu rentres dans sa famille, Allahul Musta'an. Son comportement avec son épouse, avec ses enfants, son éducation, la responsabilité qu'il a envers son épouse, quand tu vois le comportement de son épouse, hadith wa la haraj, sans commentaire. Et par contre, envers les gens, il se permet de dénigrer tout le monde jour et nuit. Tout le monde jour et nuit. Celui-là, c'est un égaré, celui-là, c'est ceci, celui-là, on ne prend pas de lui. Et quand tu lui dis, mon frère, il est né quand le prophète, alayhi salatu wassalam, la adri, d'après un mot en arabe, la adri. Qu'est-ce que tu nous casses la tête jour et nuit, celui-là, c'est un moubtadi', celui-là, c'est un évoque. La adri, quand il est né, le prophète. C'est quoi la différence entre l'eau pure et l'eau impure, la adri. C'est quoi cet égarement, wal'iyadu billah? Wallahi al-adim, que c'est une grande fitane à notre époque, et c'est un grand égarement à notre époque, et chacun doit se remettre en cause. chacun doit se remettre en question concernant cet égarement. Est-ce que je tends vers cet égarement ou pas? On revient sur notre sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, ici, quand il est sorti, quand le prophète alayhi salatu wassalam est sorti, ici, le prophète alayhi salatu wassalam était accompagné de 300 hommes environ. D'accord? Ils se sont préparés, 1000 personnes, ils sont restés dans une vallée. Dans une vallée qui était une des vallées les plus loin de Badr, des puits de Badr. Tandis que eux, le groupe du prophète alayhi salatu wassalam, était dans une vallée qui était la plus proche des puits de Badr. Donc Abu Sufyan, quand il avait changé de chemin, donc il a épargné la caravane, il a envoyé un messager, d'accord, qui a dit, vos biens sont en sécurité, donc vous pouvez rentrer à la Mecque, la plupart voulaient, sauf Abu Djal. Ça bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc quand ils étaient à Badr, ils arrivaient à Badr, ils ont campé auprès de la colline, d'accord, donc la colline la plus éloignée des puits de Badr. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui est venu l'annonce ou le renseignement comme quoi il y avait une armée qui s'était déplacée de 1000 hommes, avec combien de chameaux? 700, mashallah. Et combien de chevaux? 100 chevaux. D'accord? Cette armée-là, de 1000 hommes qui étaient venus pour les attaquer. Voilà, il a su ça. Le prophète, alayhi salam, il n'est pas venu pour la guerre. Donc il est venu simplement pour prendre possession des biens de cette caravane de Abu Sufyan qui il a fait dérouter, entre guillemets, changer de chemin. Donc quand le prophète alayhi salam a su ça, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Allez, on va pas se mettre dans la peau du prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr, on n'arrive même pas à la cheville des compagnons, mais à votre avis, qu'est-ce que vous aurez fait vous? Donc vous êtes responsable ici, c'est bien un peu, on étudie la biographie du prophète alayhi salam, pourquoi? C'est pourquoi? C'est un exemple. D'accord, quand on se retrouve dans des situations, d'accord, on se réfère directement à quoi? La vie du prophète alayhi salatu wassalam. Comment cet homme, comment cet instructeur, comment ce professeur, comment ce chef de guerre, comment ce sage a réagi? Et nous, on essaie de prendre des exemples sur la vie, la sunna, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que des compagnons bien guidés. Parmi eux, à leur tête, Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali. Vous êtes à la tête d'une armée, d'un groupe. D'accord? Écoutez bien, car le but de la biographie du prophète, c'est prendre les morales. Vous êtes à la tête d'un groupe. Vous sortez avec un groupe de 300 hommes. On vous dit, il y a 1000 hommes qui sont là. Donc ça y est, ils sont à la vallée, ils vous attendent. Ils veulent vous avaler. Ils sont là, ils sont prêts. Et juste ça y est, vous pouvez pas faire marche arrière. Ils sont là, ils sont à côté de vous. Et vous êtes avec votre équipe, d'accord, 300 hommes. Il y en a 1000 en face de vous, avec 700 chameaux, 100 chevaux, etc. Une armée jusqu'aux dents. Et ils attendent de vous attaquer. Et là, vous êtes au fait accompli. Qu'est-ce que vous faites? D'accord, vous êtes responsable de ce groupe-là. Allez. On rentre dedans, machallah. On attaque, les yeux fermés, on rentre dedans. C'est quoi la stratégie? C'est Barakallahu fi, machallah. Lui peut être un chef de guerre, Rachid, machallah. C'est la consultation. Washawirahum fil amr. Et consulte-les dans les affaires. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était lui le responsable. Dans toute société, dans toute collectivité, dans toute société, il faut bien sûr un responsable. Il faut une personne qui gère les affaires. Ça, c'est clair. Dans une famille, il faut un responsable. Il n'y a pas d'irresponsable. Quand je dis responsable, c'est une personne qui est apte à gérer les responsabilités. Clair? À prendre des décisions justes, bien qu'il peut se tromper. D'accord? Qui répond, ou plutôt qui réagit avec sagesse, qui est perspicace, qui réagit avec clairvoyance. Mouhim, la meilleure des personnes pour prendre cette responsabilité doit être mise à ce poste-là. Responsable, d'accord, des affaires religieuses. Que ce soit dans une mosquée, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un pays, que ce soit dans une famille. Il faut toujours un responsable qui tranche. Bien sûr qu'on doit consulter les gens. Ce n'est pas la dictature. Je ne vais pas citer de nom de dictateur. Ce n'est pas la dictature. C'est moi qui décide, c'est moi qui je consulte moi-même, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Tout le monde se tait. Non, on consulte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il consultait ses compagnons. Et pas que un, pas que deux, trois, quatre, cinq. Quelquefois, il consultait les compagnons qu'il trouvait le plus aptes à être consultés. Le prophète, il choisissait, mais il consultait toujours. Il consultait toujours. Il demandait conseil alors que le prophète parlait avec révélation. Alors que c'est la meilleure créature sur la surface de la terre. Mais qui tranchait ? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans une famille, si on va mettre deux responsables, Mohammed et Mohammed, pas Mohammed et Aïcha, Mohammed et Mohammed, deux Mohammed dans la famille, et qui les deux prennent la responsabilité, est-ce qu'il y aura des conflits jour et nuit ? C'est une des principales causes des conflits dans les couples. La femme décide tranche et l'homme décide tranche. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas l'anarchie ? Si vous mettez dans une ville ou dans un pays deux gouverneurs, d'accord, au même stade, deux gouverneurs, ça va se passer bien ou pas ? Chez les musulmans et les non-musulmans, ça n'existe pas. D'accord ? Bien sûr, on peut mettre, par exemple, un roi dans un pays, un gouverneur, un hakim, d'accord ? Un gouverneur, il y en a dans un pays, et il y en a des responsables dans chaque contrée. D'accord ? Les responsables de cette contrée, c'est ces responsables-là, ces ministres, si on veut. Lakin, dans le pays, il y a un responsable, il y en a qui gère tout le pays. Et dans chaque ville, il y a un responsable qui tranche concernant les affaires. Et c'est comme ça, c'est obligé, sinon c'est l'anarchie. Et c'est pour ça que je recommande en général, parce qu'il y a beaucoup de frères en général qui nous appellent, qui nous consultent par mail, etc., ou qui viennent nous voir quelquefois et qui nous demandent des conseils concernant, entre guillemets, la stratégie à mettre en place pour pouvoir commencer un projet de construction de mosquée, etc. Qu'est-ce qu'on leur conseille ? Qu'est-ce qu'on leur conseille d'abord ? Allez, qu'est-ce que vous avez conseillé ? Quelqu'un avait dit, bon, nous on a envie de mettre en place un projet, inshallah ta'ala, donc qu'est-ce que tu nous conseilles ? On leur dit quoi d'abord ? Il faut qu'il y ait quoi ? Un responsable. D'accord ? Il faut qu'il y ait quoi ? C'est pas l'argent. Hein ? Un groupe uni. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, un groupe uni ? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a commencé à faire quoi ? On revient dans la biographie. Le prophète, il est arrivé à Médine. Il est arrivé à Médine, il a fait quoi la première des choses ? Il a construit la mosquée. Il a construit la mosquée, d'accord ? Mais il avait les possibilités de construire la mosquée. C'est clair ? Donc il pouvait construire la mosquée. Maintenant on nous bloque pour construire une mosquée. À titre d'exemple, on nous bloque. Le prophète il a fait quoi après la construction de la mosquée? Il a mis la fraternisation. Il voulait un groupe sincère, juste, droit, qui a des convictions religieuses, solides, qui est costaud, qui est prêt à affronter toutes les épreuves. Un groupe qui a, où il y a une mahabba fillah forte entre eux, un bon amour en Allah subhanahu wa ta'ala entre eux. D'accord? Il a consolidé les relations entre eux. D'accord ? Jusqu'à ce qu'ils ont partagé leurs biens, etc. entre eux. Donc nous, on dit, on conseille, soyez d'abord sincères. La sincérité, al-ikhlas. Première des choses, la sincérité. Deuxième des choses, mets en place un petit groupe. Ça ne sert à rien, je vous le répète un million de fois, de regarder la quantité. Wallahi al-adim, vaut mieux avoir trois frères avec toi. Même si c'est dans une grande ville, ou même dans tout un pays, et tu as trois frères avec toi, avec des bonnes intentions, intentions sincères, et qui appliquent ou qui avancent avec clairvoyance et avec science, et quand ils sont dans une situation où ils ne trouvent pas d'issue, ils demandent aux gens de science, les ulama, et ils fondent leur cause sur le Coran et la Sunna avec la compréhension des ancêtres pieux, et à leur tête un responsable qui est le meilleur d'entre eux concernant sa science religieuse, son application religieuse et son expérience. À ce moment-là, wallahi, même s'ils sont trois, bi'idnillah, il y aura du résultat. Regarde pas la quantité, regardez juste autour de vous sans commentaire. Regardez juste autour de vous dans les villes. Ça ne sert à rien de regarder la quantité pour pouvoir faire un beau projet, un grand projet, bi'idnillah tabaraka wa ta'ala, fondé sur le Coran et la Sunna. Regarde pas la quantité, akhil karim. Même si tu as du monde contre toi et qui te crée, regarde la qualité. C'est qui met les faits dans les causes? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu es 1000, 10 000, 100 000. On a la leçon dans la bataille de Badr. Mets en place un groupe solide. Mets à leur tête une personne. Il faut une personne à la tête qui tranche. Bien sûr, on consulte. Le prophète, il a consulté. Il a consulté le Muhajirun. Et ensuite, il a consulté les Ansar. Et le Muhajirun, ils ont dit, on est avec toi, ya Rasulallah, pour les combattre à la bataille de Badr. On y va. Le prophète, il ne voulait pas. Il voulait quoi ? La confirmation des Ansar. Il voulait la confirmation des Ansar. Pourquoi ? Parce que certains Ansar ne voulaient pas. Ils ont dit quoi ? Et Allah a parlé d'eux dans le Coran al-Karim. Il y a un groupe qui ont dit, nous, on a prêté allégeance pour sauver le prophète alayhi salatu wassalam à l'intérieur de Médine. Là, on est à l'extérieur de Médine. Nous, on ne veut pas. Certains, ils ont dit ça des Ansar. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils ont trahi leur engagement. Parce qu'on avait dit dans l'engagement, ils avaient dit de protéger le prophète à l'intérieur de Médine. D'accord ? Donc, ils n'ont pas trahi leur engagement. Mais il faut le faire, ya Khil Karim. 300 personnes et voir une armée qui est armée jusqu'aux dents et qui vient avec 700 chameaux, avec 100 chevaux et avec des armes. Et elle est remplie d'armes et ils sont 1000. Et toi tu es 300 et tu es pris et aller par surprise, tu n'es pas préparé. Et il faut aller. Tu vas dire c'est un suicide ça. Ils ont dit non, on ne peut pas. Le prophète alayhi salam, il a insisté. Il a appris, il y a des gens, et on va voir dans les détails, les muhajirun, ils disent, on est avec toi, ya Rasulallah. Wallahi, même si tu traverses un océan, on sera aux côtés de toi pour combattre. Ils ont dit, il a répété. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Et Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, qui était le chef des Ansar, il est venu. Il a dit, ya Rasulallah, je sais ce que tu attends. Pourquoi? Parce que le prophète répétait, mais vous. Donc il avait les muhajirun, il voulait quoi? Il voulait l'approbation. Il voulait encore. Il voulait avoir à ses côtés l'Ansar. Donc il ne voulait pas encore diviser ce groupe-là. Il dit, moi, il reposait les questions. Mu'adh ibn Jabal l'a dit, je sais ce que tu veux. Sache, ya Rasulallah, qu'on sera avec toi. Le prophète, il a été satisfait. Et là, il a été. Et on va voir ça dans les détails, ce que je viens d'apporter. Donc la preuve que quoi? C'est le groupe qui nous importe. C'est la qualité du groupe plutôt. Ce n'est pas la quantité. N'oubliez jamais ça. Et il faut toujours à la tête d'un groupe une personne. Et la personne doit être la meilleure des personnes. Et comment on reconnaît la meilleure des personnes? C'est quand il agit avec quoi? Avec clairvoyance. Et il agit avec science, bien qu'il peut se tromper quelquefois. Et il faut savoir que cette personne se doit de conseiller ceux qui sont dans son entourage. Ceux qui sont dans son entourage. Et troisième des choses, la décision que prend celui qui est à la tête est responsable, même si elle déplaît à certaines personnes, on doit se taire. Et on doit accepter. Car on ne sait pas où il est le bien. Et dans tous les cas, toi tu as obéi et tu as obéi à celui qui est sous, ou plutôt au-dessus de toi, concernant sa responsabilité. Toi, tu es sous sa responsabilité. Khalas, tu as obéi, il a répondu, il a fait son ijtihad personnel, d'accord, fondé sur des textes prophétiques, sur des versets coraniques, et il prend une décision. Khalas, pourquoi on ne veut pas créer l'anarchie, la dispute, la dissension? Sinon, tout le monde va donner son avis et c'est l'anarchie. D'accord? Pareil dans un couple. Souvent, il y a des femmes qui nous disent, ou des hommes qui nous disent, est-ce que ma femme doit m'obéir? Ou la femme dit, est-ce que c'est moi qui ai le droit de prendre des décisions? Ou est-ce que c'est que le mari, etc. Nous disons quoi? Nous disons quoi? Encore tout à l'heure, une sœur m'a posé la question concernant le verset coranique. Al-Rijal qawwamun ala nisa. Elle voulait l'explication en vrai, l'explication des savants concernant ce verset coranique. Les hommes ont autorité sur les femmes. Elle dit, parce que mon mari utilise toujours ce verset coranique pour dire, voilà, c'est moi qui ai autorité sur toi, c'est moi qui décide. Première des choses, on dit quoi? Comme disent les savants, ce verset coranique ne montre pas que c'est un honneur, mais que c'est une responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'est un honneur, tu as une autorité sur les femmes. C'est une responsabilité, au contraire. Au contraire, ça te rappelle, ya akhil karim, tu as une responsabilité. Et tu vas rendre des comptes sur cette responsabilité. C'est une responsabilité, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, la femme doit obéir à son mari dans toutes choses, sauf dans ce qu'il y a comme désobéissance envers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et ça ne veut pas dire que le mari ne conseille pas avec sagesse et ne demande pas conseil à ses épouses. Le prophète lui-même a demandé conseil à ses épouses. Et ils l'ont conseillé, et il a pris plusieurs fois, comme on verra au fur et à mesure de la biographie du prophète, il a pris ses conseils venant de ses épouses et il n'a jamais regretté. Le prophète, il demandait conseil même à ses épouses. Donc tu consultes tes épouses ou ton épouse ou tes enfants, ta famille, mais celui qui décide, c'est le mari. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a une harmonie dans le couple. On n'est pas satisfait de cette décision-là. Ou bien le mari décide, mais sans consulter jamais sa famille, et en imposant, et avec dureté, sans sagesse, obligatoirement, on arrive à quoi? À la déchirure, au divorce, wa l'ayyadu billah. Il faut que les musulmans comprennent ça. Il faut qu'il y ait une éducation. Il faut qu'il y ait une politesse. C'est pour ça qu'on a des gouverneurs. Et à partir du moment où ils restent musulmans, on ne peut pas pousser les gens à se retourner, se rebeller contre ces gouverneurs. Pourquoi? Même s'il y a des gouverneurs, on dit, par exemple, il y a des gouverneurs qui ne méritent pas cette place-là, par exemple. Toi, à partir du moment où les savants disent qu'il est musulman, et toi, tu vas pousser les gens à se rebeller contre ce gouverneur. On a dit quoi au début? On a parlé du combat. Et on a dit, est-ce que ça suffisait? C'était quoi les raisons du combat? Et rapidement, c'est quoi les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a permis le combat qui était un combat de défense? C'est parce qu'ils étaient? Mais à la Mecque, ils étaient opprimés aussi ou pas? Pourquoi ils n'ont pas eu cet ordre à la Mecque? C'était pas le moment. C'était pas le moment. D'accord? Pourquoi ça aurait mené quoi? Il y aurait eu plus de mal que de bien. Il y aurait eu plus de mal que de bien. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Mais qu'ils étaient faibles. C'était un tout petit groupe. Ils étaient dans leur terrain. Ils auraient fait quoi? Toi, tu vas pousser les gens à se rebeller contre des gouverneurs et à Akhil Karim. Tu crois qu'il va avoir quoi? Il va avoir quoi là au jour d'aujourd'hui si tu fais ça? Il va avoir quoi? L'habs. Il va avoir une catastrophe dans le pays. Ça va être l'anarchie. Tu vas rien gérer. Il y aura des calamités, tu vas dire pourquoi on n'a pas laissé le gouverneur qui est en train, malgré qu'il avait des défauts, malgré qu'il restait musulman, alhamdoulilah, pourquoi on n'est pas resté sous son commandement? Au moins le pays, il avait une certaine stabilité, d'accord? Bien sûr, on n'obéit pas à n'importe quel gouverneur dans une chose qui est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci à l'unanimité des savants, mais même si on est opprimé, même si, à nous patienter, tout simplement. Pourquoi? parce qu'il faut des responsables. Même si ces responsables se trompent, c'est toujours mieux que d'avoir une collectivité ou une société sans responsable. Ça sera l'anarchie. Et on le voit par expérience au jour d'aujourd'hui. Regardez autour de vous, dans certains pays où il n'y a plus, il y en a vraiment de tête, il y en a à la tête de certains pays, ou qui ont été enlevés de la tête de certains pays. Ça se passe comment là-bas? Vous voyez très bien ce qui se passe, d'accord? Malheureusement. Donc, le prophète Aïssam fut informé de la venue de Quraysh et la caravane, et que la caravane a été épargnée. Donc là, à ce moment-là, il a consulté, hein, il a consulté les compagnons. Donc certains, comme on avait dit, certains ont dit on rentre, d'autres ont dit on reste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle cette situation et il dit dans le Coran al-Karim, كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهُمْ عَفْوًا كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Allah, il parle de ces personnes, c'était justifiable, donc de ces personnes qui ont voulu faire marche arrière. Et il dit dans le Coran al-Karim, donc là on voyage à travers Surat al-Anfal. Si vous voulez voir un peu tous ces versets coraniques, ils sont tous dans Surat al-Anfal, d'accord, le butin. Allah, il dit, de même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure. C'est Allah qui l'a fait sortir de sa demeure. Allah Azza wa Jal, il savait qu'il allait avoir cette guerre. Il savait ou pas? Il savait. Allah l'a voulu ou pas? Allah l'a voulu. Sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit de même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Voilà, on comprend mieux le Coran al-Karim. Malgré la répulsion d'une partie des... Allah les a appelés les croyants ou pas? Ça reste des croyants, bien sûr. Malgré la répulsion d'une partie des croyants, ils discutent avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fut clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'ils fassent triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. On verra petit à petit le détail du reste des versets coraniques. Donc Allah parle de ce groupe de personnes qui voulaient rester en arrière. Dans le deuxième pacte d'Al-Aqaba, on avait expliqué qu'il y avait ce groupe qui s'était engagé mais à défendre le prophète à l'intérieur, pas à l'extérieur de Médine. Donc on parle d'eux. Ibn Ishaq rapporte avec une chaîne de transmission authentique. Il rapporte cette consultation. Abu Bakr radiallahu anhu arda se leva et ne dit que du bien. Le prophète il a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Abu Bakr il a dit que du bien. D'accord? Il a soutenu le prophète. Le prophète alayhi salam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, il a dit, tu as dit bien. Omar ibn al-Khattab, regardez les montagnes qu'il y avait avec lui aussi. Regardez les montagnes qu'il y avait avec lui. Il s'est levé, il a dit que du bien. Le prophète, il a invoqué en sa faveur, il lui a dit, tu as dit bien, tu peux t'asseoir. Et ensuite, une personne s'est levée. Et c'était qui? Retenez ce nom. Al-Miqdad ibn Amr, radiyallahu anhu wa arda. Avec une chaîne de transmission authentique. Al-Miqdad ibn Amr, écoutez ce qu'il a dit. Il dit, ô prophète d'Allah, va faire ce que Allah azza wa jalla te commande. Va et fais, applique ce que Allah subhanahu wa ta'ala te commande, c'est-à-dire al-qital, nous serons avec toi. Par Allah, nous ne te dirons pas comme on dit les juifs de Banu Israël. Vous connaissez ce récit authentique? Nous ne dirons pas, ya Rasulallah, comme on dit les juifs à l'époque de Banu Israël, à Moussa alayhi salam. Ils ont dit quoi les juifs? Ils avaient dit, va toi et ton Seigneur combattre. Ils avaient dit ça à Moussa. Ils dit al-miqdad Ibn Amr, on ne dira pas comme ils ont dit à l'époque de Banu Israël, c'est-à-dire à Moussa alayhi salam, va toi et ton Seigneur combattre, mais nous, on te dit, ya Rasulallah, va toi et ton Seigneur combattez et nous combattrons avec vous. Et il dit par Allah, où que tu nous amènes, nous combattrons à tes côtés. Et le prophète alayhi salatu wassalam continua à prendre les avis et il voulait surtout l'avis des Ansar. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les Muhajirin, ils étaient prêts à aller avec le prophète. Ils voulaient l'avis des Ansar et c'est là où Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Ansar a dit au prophète d'Allah, nous avons cru en toi, nous t'avons donné engagement, écoutez et obéis, vas-y fais ce que tu veux, nous serons avec toi par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu traversais les océans, on sera à tes côtés, nous sommes des hommes fermes dans l'affrontement et certes Allah te réjouira dans notre comportement. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu arda, rapporté par Ibn Ishaq avec une chaîne de transmission authentique. Regardez, au pied du mur, il dit quoi? C'est au pied du mur qu'on voit? Le maçon, c'est ça l'expression, mashallah. Imaginez-vous, vous êtes ici en face de l'armée, non simplement vous dites, allez avec une petite voix, on est avec toi, avec la peur, mais vous dites, tu verras notre comportement, et tu seras satisfait de nous, et nous sommes des hommes fermes. Parmi les croyants, il y a des hommes, particulièrement, d'accord? Ou en premier lieu, on parle de qui? les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Donc le chef de guerre, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé la stratégie. Ça y est, il est au pied du mur. Donc maintenant on ne fait pas n'importe quoi. On prend les causes. Regardez, il continue à prendre les causes. Qu'est-ce qu'il fait? On met une stratégie en place. D'abord, on envoie des espions. On essaie de voir combien de personnes ils sont. Comment ils sont armés. Qui on a en face de nous? Il faut savoir déjà ça. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette situation dans le Coran al-Karim. Et il dit le jour du discernement. Allah il parle de ce jour, il dit Yawmu al-Furqan. Farraqa Allah tabaraka wa ta'ala fi dhalika al-yawm bayn al-haqq wal-batil. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ce jour et il dit le jour de Badr, le jour de Al-Furqan, du discernement. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour-là, il a discerné entre quoi? Entre le bien et le mal. Il a discerné entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dans sourate Al-Anfal, on est toujours dans sourate Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce jour-là et il appelle Yawm Al-Furqan. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm Al-Furqan, Yawm Al-Furqan, Yawm Al-Taqa Al-Jam'an. Al-Jam'an. Et le verset coranique, Allah dit Wallahu ala kulli shay'in qadir, il est long. Je vous le dis rapidement, le jour du discernement, le jour où les deux troupes s'étaient rencontrées et Allah est omnipotent. Donc Allah Azza wa Jalla parle de cette rencontre entre ces deux troupes, d'accord, musulmans et associatrices. Vous étiez sur le versant le plus proche et eux les ennemis sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi, mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que sur preuve périsse celui qui devait périr et vécu sur preuve, celui qui devait vivre, et certes Allah est audient et omniscient. Allah il parle de cette rencontre et il dit le jour du discernement. D'accord? Rappelez-vous que ce jour-là, cette bataille de Badr s'appelle par Allah subhanahu wa ta'ala, a été par Allah azza wa jalla appelée dans le Coran al-Karim, Yawm al-Furqan, le jour du discernement. D'accord? Et c'était pendant le mois du Ramadan, il jeûnait. C'était pendant le mois du Ramadan, il jeûnait. Et vous connaissez, yani, vous savez quelle est l'intensité de la chaleur en Arabie Saoudite, à la Mecque, à Médine. Ils jeûnaient. C'était pendant le mois du Ramadan. Et en plus de ça, ils étaient 300. Ils devaient combattre une armée qui était 2000. Et il est rapporté que pendant une nuit du Ramadan, certains disent la 17e nuit, certains disent la 27e nuit, à la Koulihal, on sait que c'est pendant une nuit du Ramadan, et toujours pendant la deuxième année de l'Égypte. Ils ont passé la nuit à Badr, et ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Touché par quoi? Le stress, l'angoisse, la peur. C'est tout à fait normal. D'accord? C'est pas parce que tu n'es pas ou parce que tu es prêt que tu ne vas pas stresser. Tu ne vas pas angoisser un peu. C'est tout à fait normal. Mais ils n'arrivaient pas à dormir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils trouvent tous le sommeil dans cette nuit. Tout le monde a dormi. Et ça nous rappelle que le sommeil, c'est une ni'ma. C'est un bienfait. Et c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jalla dit dans le Coran, « Wa min ayatih » Manamukum bil layl wan nahar. Et parmi ces signes, votre sommeil bil layl wan nahar. Bil layl wan nahar. Votre sommeil de nuit comme de jour. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ni'ma. Tout le monde s'est endormi, sauf le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui est resté toute la nuit invoquer son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Qui est resté invoquer Allah azza wa jalla, le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Car on a besoin d'invoquer et d'évoquer. N'oubliez pas, invoquer et évoquer. Évoquer Allah, al-tasbih, al-tahmid, al-tahlil, al-istighfar. Évoquer son Seigneur, dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et d'invoquer, demander à Allah Azza wa Jal, implorer le secours d'Allah Azza wa Jal. On a besoin de ces deux choses, l'invocation et l'évocation, au moment où on se retrouve dans des situations difficiles. Situations difficiles, le prophète, il s'en est retourné vers qui? Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Voilà l'application du Coran. C'est toi que nous adorons et c'est toi ou auprès de toi que nous cherchons secours. Toute la nuit, il est resté invoquer son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan, fathbutu, wadhkurullah. Allah Azza wa Jalla dit de façon générale. Et il dit quoi? Oh, vous qui avez cru. Idha laqitum fi'atan. Quand vous rencontrez une troupe ennemie, fathbutu, soyez ferme. Donc il nous faut de la fermeté. Mais il dit quoi après? Et invoquez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Évoquez votre Seigneur. Rappelez-vous de votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pour maintenir cette fermeté, on se doit de continuer et d'être constant quant à quoi? L'évocation et l'invocation. L'évocation et l'invocation d'Allah Azza wa Jal. N'importe quelle épreuve, petite ou grande épreuve, si tu veux le secours d'Allah Azza wa Jal, reste évoqué et invoquer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. En plaçant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en étant sûr que le secours vient d'Allah Azza wa Jal, invoque ton Seigneur tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que le secours viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sans délaisser bien sûr al-akhdhu bil asbab, la prise des causes ou mettre yani en application bien sûr les causes. Donc là, on va s'arrêter là inshallah ta'ala. Donc là c'est, on est toujours dans la bataille de Badr, il nous reste un cours pour terminer, je pense, peut-être un cours, terminer cette bataille, car on n'est pas encore rentré dans le combat. Là, on est rentré dans yani, les prémices, si on veut, ou les préparatifs au combat, ou plutôt les événements qui se sont passés juste avant le combat, l'effet de surprise, la réaction du prophète, Ashura, la consultation, le fait que le prophète tranche, le fait que le prophète utilise une stratégie, le fait que le prophète alayhissalam invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala, tout ça fait partie de la préparation au combat. La stratégie, la consultation, la prise de décision, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça fait partie des causes qu'on utilise pour affronter les épreuves et pour pouvoir combattre. Yani, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, et pendant cette nuit-là, il y a eu une pluie qui est descendue du ciel. Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, a voulu qu'une pluie soit descendue ou descende du ciel et qui soit bénéfique pour les musulmans et qui soit yani, un préjudice pour les associateurs. Et Allah azza wa jalla a parlé de cette pluie et de cette averse dans le Coran al-Karim. On verra ça la semaine prochaine, inshallah ta'ala, ou au prochain cours, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu al-hikam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.